était moderne. Ils s'étaient retirés tranquilles sur l'archipel pour y vivre à la manière de l'homme des cavernes. Quand j'ai reçu une lettre qui semble aller voir l'histoire comme il le disait, pour attraper le retard, ni une ni deux, j'ai sauté dans la tour. Des fessées de s'habituer à ce confort ultra réduit. Plus de bière, mais de l'eau de son savoir. C'est la guerre, dis-moi où je mange mon hasard. Les cousins, y'a quoi de prévu pour ce soir? Son putain de banquier, à chaque coup de pile le son.